On le retrouve après avoir pris une semaine de congé. La fête du Canada est dans nos pattes. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive des fois. Et de retour pour parler automobile avec nous, Luc Desormeaux. Salut Luc. Salut Jean-Benoît. Luc, tu t'es promené un petit peu. T'es allé du côté de Toronto pour faire l'essai de la nouvelle flotte de Golf de la part de Volkswagen. Oui, c'est ça. On en parlait justement la dernière fois qu'on se parlait à radio. On parlait de la Kia Soul, puis j'avais terminé en disant que je m'en allais à Toronto le 20 juin pour aller essayer la nouvelle Golf. C'est ça. C'est une invitation de Volkswagen. Ils nous ont, moi et quelques blogueurs québécois, puis il y avait des blogueurs aussi d'un peu ailleurs au pays. On était apportés à Toronto, à Woodbine, qui est une piste de course de chevaux pour aller essayer la nouvelle Golf et aussi, surtout, la nouvelle GTI. Donc, c'est le modèle 2015. Le modèle est en vente en Europe depuis presque 2 ans. Et puis, ça a gagné voiture mondiale de l'année. On en avait parlé sur une chronique auto, comme quoi c'était la voiture européenne mondiale de l'année. Là. Et puis là, elle s'en vient maintenant au Canada. Il y a des gens qui vont dire ça a donc bien pris du temps. Mais le problème, c'est que la Golf est construite au Mexique pour l'Amérique. Et puis, il a tout fallu qu'ils reconstruisent, qu'ils refassent l'usine entière pour être capable de faire la nouvelle plateforme et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça a pris tant de temps que ça. Ah, OK. Donc, c'est ainsi qu'on explique le retard. Mais là, est-ce qu'on va arriver avec une bagnole qui est au goût du jour quand même, malgré ces 2 ans? Oui. La nouvelle Golf est construite, c'est une nouvelle plateforme que les Allemands appellent MQB. Puis, on va laisser ça MQB parce que si je vous donne le terme exact, c'est en allemand avec des E qui possède des accents assez bizarres, donc je serais pas capable de le nommer, fait qu'on va garder ça facile, MQB. Ça va être la plateforme qui va être utilisée pour à peu près 40 modèles dans les prochaines années. Là, on parle de modèles de Volkswagen, mais on parle aussi de modèles d'Audi, parce qu'Audi Volkswagen, c'est pas mal la même compagnie en bout de ligne. Ça va donner que la Golf va perdre du poids. Donc, elle a perdu 196 livres depuis la dernière génération, ce qui est quand même bien, parce que normalement, les voitures ont tendance à prendre un peu de poids plutôt qu'en perdre, un peu comme nous autres en vieillissant. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein? C'est un burger de plus, une patate frite. Donc, elle perd 196 livres, elle gagne de la puissance. Donc, au lieu d'avoir 200 chevaux, la nouvelle GTI a 210 chevaux. Puis en plus, ce que la nouvelle plateforme va faire, puis ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de Golf, ça va causer une diminution de prix. Donc, la Golf de base va baisser de prix d'environ 1 000 $, puis la Golf plus équipée, mettons une GTI, elle va perdre à peu près 2 000 $. Ça veut dire que la GTI va commencer aux alentours de 25 000 $, ce qui est vraiment fabuleux pour le genre de voiture que c'est. Donc, tu demandais si on va avoir une voiture au goût du jour. Oui, on va avoir une voiture qui est totalement nouvelle quand même, puis qui est compétitive. Cette plateforme-là, puis cette génération-là de Golf en a encore pour probablement 4 ans en Europe. Donc, elle va passer 4 ans ici. Puis, on s'est fait pas mal assurer que la prochaine génération va l'avoir en même temps que l'Europe, parce que là, ils n'auront pas à tout refaire l'usine une deuxième fois pour la prochaine génération. Là. Bon, c'est intéressant. Donc, pour l'avenir, c'est positif. Oui, pour l'avenir, c'est positif. Donc, si on regarde ce qu'on va avoir dans la nouvelle Golf, on va avoir le choix de trois moteurs. Un 4 cylindres turbo de 1,8 litres à injection directe. On va avoir qui produit 170 chevaux, 184 livres-pieds de couple. Puis, on va avoir un nouveau moteur diesel, là, comme on dit, flambant neuf. 150 chevaux, 234 livres-pieds de couple. C'est un diesel, là, fait que le couple est très élevé. Puis, la GTI, elle, c'est un 4 cylindres de 2 litres turbo compressé, comme je disais, 210 chevaux, 258 livres-pieds de couple, puis comme je disais, c'est 10 chevaux de plus que l'ancien modèle. Puis, on a une boîte manuelle à 6 rapports, puis l'automatique DSG à 6 ou 7 rapports. Là, je sais qu'ils sont rendus avec une DSG à 7 rapports, mais je pense que la Golf va encore avoir la DSG à 6 rapports. Ça fonctionne super bien, là, on n'a aucun problème avec la transmission de ce côté-là. Et pour les amateurs de puissance, il y a une Golf R aussi qui est dans les cartons. Là, on parle d'un 4 cylindres turbo produisant 290 chevaux puis 280 livres-pieds de couple. C'est la Golf R, c'est une traction intégrale, donc 4 roues motrices. Puis elle va être disponible pour la première fois avec la transmission manuelle était dans la dernière génération de Golf R. Là, on va aussi avoir la transmission automatique de disponible sur la prochaine Golf R. Donc, une Golf à 290 chevaux, ça peut mettre beaucoup de sourires sur des visages. Oui, non, c'est. Puis, on connaît les performances aussi là, des Volkswagen. C'est des belles bagnoles qui en ont dedans. Là. Oui. Pour l'avoir conduite sur une piste improvisée, là, ce que Volkswagen avait fait, c'est qu'il avait loué une grande partie d'un stationnement, là, un stationnement énorme à Woodbine. Puis, il avait, avec l'aide de conducteurs professionnels, avait créé une piste de course avec des cônes. Puis, il fallait prendre des courbes, des virages assez serrés, puis faire un freinage d'urgence rendu à la fin. Puis, ça tient la route. Là. La Golf n'a aucun problème à prendre les courbes puis à tenir la route. C'est sûr et certain, il faut savoir un peu ce qu'on fait. Donc, il faut écouter ce que les pilotes professionnels nous disent pour pas tuer trop de cônes dans le processus. Mais moi, ça a bien été. J'ai pas endommagé aucun cône, mais il y a certains blogueurs qui étaient là qui ont malheureusement endommagé et même trucidé quelques cônes. On se pensait un peu dans un jeu vidéo. Mais bon, pas de dommage aux autos ni aux êtres humains. C'est quand même bien. Là. Bon, ben tant mieux. Alors, au final, véhicule intéressant. Oui, moi, si vous êtes sur le marché pour une petite voiture à haillons, c'est vraiment la voiture ultime, c'est sûr. Bon, la Golf de base va être beaucoup moins dispendieuse. Là, j'ai pas les prix avec moi, je vais les avoir quand je vais pouvoir faire l'essai un petit peu plus tard à l'automne. Mais tu sais, si on parle d'une GTI à 25 000 $, c'est spacieux, c'est puissant, c'est le fun. C'est vraiment une voiture qui va combler la majorité des besoins. Là. C'est vraiment quelque chose que vous devriez regarder. Puis ceux qui étaient intéressés par les rumeurs de la Golf électrique, ça sera pas pour cette année au Canada. Ça va sortir aux États-Unis. Là, Volkswagen va regarder ce que ça va donner. Puis il y a des chances que ça arrive ici d'ici quelques années. Mais c'est pas pour cette année, c'est certain, et probablement pas pour l'année prochaine non plus. Bon, ben voilà. Merci beaucoup à Volkswagen pour l'invitation. Et merci à toi, Luc, pour ton passage sur les ondes. On reprend ça de plus belle. Parfait. Merci beaucoup. Salut, c'était Luc Desormeaux pour sa chronique automobile sur les ondes de Passion FM.